Abu Ishaq, il rapporte qu'un homme fut interrogé sur le prophète, et plus précisément sur son visage. Est-ce qu'il était comme l'éclat, l'éclat de l'épée? Non, mais il était plutôt comme la lune, le visage du prophète. Et dans d'autres versions, il était encore plus beau que la pleine lune. Ka'b ibn Malik dans Sahih al-Bukhari wa Muslim, il rapporte, quand le messager d'Allah était content, son visage rayonnait de lumière au point qu'il ressemblait à un morceau de lune éclatant. Le prophète était de taille moyenne. Il avait un teint blanc rougeâtre. Ses cheveux n'étaient ni frisés et ni lisses. À sa mort, il n'y avait même pas 20 poils blancs dans ses cheveux et dans sa barbe. Il avait des yeux noirs. Il avait sur le front une veine qui s'enflait quand il se était en colère. Il est rapporté que ses sourcils étaient fins et ils étaient longs et ils étaient remplis, mais ils n'étaient pas épais. Il y avait un écart entre les deux sourcils. Ces deux sourcils ne se joignaient pas. Jabir radiallahu ta'ala anhu arda, il dit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam avait une large bouche, de vastes yeux et des chevilles plutôt minces. Alayhi salatu wassalam. Rapporté par l'imam Muslim, selon Jabir radiallahu ta'ala anhu arda, le prophète alayhi afdalu salatu wa askat taslim avait une barbe pleine, touffue. Alayhi afdalu salatu wa askat taslim, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam avait de larges épaules et une chevelure abondante et portait une tunique ou un complet rouge. Al-Bara ibn Azib dit, en fait, je n'ai jamais vu un homme plus beau que lui, alayhi salatu wassalam. D'après Al-Bara toujours, le prophète alayhi salatu wassalam, il était de taille moyenne et avait les épaules larges, une chevelure qui atteignait ses oreilles. Je l'ai vu portant un habit rouge dont je n'avais vu aucun habit plus beau que son habit rouge. Ses cheveux arrivaient jusqu'au lobe des oreilles et dans d'autres récits, on voit jusqu'aux épaules. Et il avait les pommes et les pieds épais. Sa tête était assez grosse et ses articulations imposantes. Les poils qu'il avait, il descendait du haut de sa poitrine à son nombril, formait une longue ligne droite, alayhi salatu wassalam. Et quand il marchait, il s'inclinait, comme il disait Ali radiyallahu anhu arda, il s'inclinait vers devant comme s'il descendait d'une pente. Il marchait d'une allure assez rapide. Anas radiyallahu anhu arda et d'autres compagnons disaient, quand le prophète alayhi salatu wassalam marchait, on avait du mal à le suivre. Je n'ai vu ni avant lui, comme dit Ali radiyallahu anhu arda, ni après lui un homme comme lui, alayhi salatu wassalam. Son ventre et sa poitrine étaient égaux, étaient en harmonie, alayhi salatu wassalam. Et ses poils blancs, ils étaient beaucoup plus concentrés sur ses tempes et sur les poils en dessous de la lèvre inférieure. Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam, dans sa manière de se comporter quand on l'appelait, il ne se retournait autrement que de façon complète. Tout son corps se retournait, alayhi salatu wassalam. Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam indiquait un endroit, voulait indiquer une chose, il ne montrait pas avec son doigt simplement comme ça, mais avec tout son membre. Et Anas radiyallahu anhu arda, il dit dans Sahih al-Bukhari, je n'ai jamais touché une étoffe de soie ou de satin plus douce que la paume de la main du prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit, et je n'ai jamais respiré un parfum ou une odeur meilleure que le parfum ou l'odeur du prophète alayhi salatu wassalam. Et Abu Juhayfa radiyallahu anhu arda dit, j'ai pris la main du prophète alayhi salatu wassalam et je l'ai posée sur mon visage. Elle était plus fraîche que la glace et avait une odeur plus agréable que le musc. Alayhi afdalu salati wa askat taslim. Et il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam avait un nez assez long, bien formé, très beau. Quand on regardait très bien, il était un peu crochu. Alayhi afdalu salati wa askat taslim. Ça, c'est des récits jugés bons et authentiques qui nous rappellent ici comment était le prophète alayhi salatu wassalam. Ya Habib Allah.